Sans les frontières, je vois la surface de la terre. Volant, volant, au-dessus de la ville, regardant le monde dans son péril, je rêve encore ce rêve fou. Voyant que le temps ne peut s'arrêter, sachant que tout peut arriver, je rêve encore ce rêve fou. Comme l'aigle qui s'envole, planant dans le ciel, grand et fort, soulevé par le vent, dans le mouvement de ses ailes, dans un tourbillon géant, je rêve encore. Le ciel, puis reste là, comme l'aigle qui s'envole, planant dans le ciel, grand et fort, soulevé par le vent, dans le mouvement de ses ailes, dans un tourbillon géant, je rêve encore ce rêve fou. Volant, volant, au-dessus de la ville, regardant le monde, dans son péril, je rêve encore ce rêve fou. Voyant que le temps ne peut s'arrêter, sachant que tout peut arriver, je rêve encore.